début, on se méfiait pas et on s'usait les doigts en repassant les canifs. Alors souvent, on avait des blessures, c'est très douloureux, l'usure d'un doigt.